meilleurs de la scène blues se donnent rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue, les portes du Blues Café sont ouvertes pour une heure de blues en live et en public. Ce soir, nous recevons un habitué du Blues Café, un musicien venu tout droit du Québec qui a décidé de poser un jour ses valises à Lyon et n'en est jamais reparti. Oui, c'est ce qu'on dit en effet. Oui, Cédric, en tout cas, c'est depuis devenu un ami et il faut le dire, notre partenaire depuis quelques années, puisque dans son studio qui s'appelle le Magnéto à Lyon, il mixe les émissions du Blues Café avec son compère Russell Stagman ou Stagman. On le connaît aussi comme formidable one-man band et nous allons ce soir découvrir une autre de ses facettes. C'est vrai Francis, il vient avec une belle surprise, son tout nouvel album. Il s'intitule Sweet Exile, mais il est peut-être temps de vous révéler l'identité de cet homme mystère. Oh, un homme mystère, de ces hommes mystères Cédric, puisqu'ils sont quatre sur la scène du Blues Café. Jean Joly à la basse. Nicolas Charbonnier à la batterie. Charlie Glad au clavier. Et Rico à la guitare et au chant. Rico and the Escape. I'm I wish I was someone else, someone better, someone true, someone a little more like you. So many changes I've known, but never have I felt at home. Walking the eternal mile, searching for sweet exile. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Nous aussi on va bien, très content de vous présenter notre nouveau projet et nos toutes nouvelles chansons qu'on a presque jamais joué en spectacle, donc c'est cool de commencer ici. La prochaine chanson, c'est une chanson qui s'appelle If You Should Leave Me. Rico and the Escape, ils sont, j'allais dire, il est, c'est l'habitude du one man band, ils sont ce soir sur la scène du Millennium à l'île d'Abo, je vais y arriver. On va demander à Rico de venir ici nous rejoindre. Vous connaissez le concept, on va le cuisiner un petit peu. Son nouvel album s'appelle Sweet Exile et vous avez vraiment presque une exclusivité parce que je crois qu'il sort cet album dans quelques jours, je crois, c'est ça, le 9 novembre. Oui, c'est ça, il sort le 9 novembre en fait. Ouais. T'aurais dû le sortir le 5, c'était mon anniversaire. Bon, en tout cas, on est content de t'avoir, Rico, car finalement, de l'ombre de studio au magnéto, te voilà de nouveau dans la lumière du Blues Café. Je crois on essayait, pendant que tu jouais, de nous souvenir avec Cédric. Moi, je dis que c'est la quatrième fois que tu viens dans le Blues Café. C'est la quatrième fois officiellement, mais je suis venu une fois aussi discrètement. En tant qu'invité discrètement, oui. Exactement, ça fait la cinquième fois. C'est un passage obligé, puis nous, on est toujours ravis. Hein. Alors, chose pour moi. C'est un passage obligé d'ailleurs pour toi, c'était une question normalement. Ben oui, en fait, parce que c'est comme un peu le baptême d'album à chaque fois. C'est quand je suis arrivé en France, dans les premiers mois en fait que je suis arrivé en France, je suis venu ici. Puis ça a été un peu l'introduction au monde du blues. Je connaissais pas grand monde ici dans le milieu du blues. Puis bon, vous m'avez présenté à des gens, vous m'avez fait découvrir un peu les différents festivals qu'il y avait. Donc pour moi, c'est comme toujours super cool de revenir. À chaque album. La dernière fois que je t'ai vu, c'était sur une très grande scène, celle des Nuits de Fourvière, oui. Où tu faisais la première partie d'une de tes idoles, je crois, Jack White. Oui. C'était un grand moment, ça? Oui, vraiment, parce que j'étais hyper nerveux avant. Ça s'est super bien passé, en fait. Ça s'est super bien passé. Donc, en plus, disons que c'est toujours super cool de faire la première partie d'une idole ou de quelqu'un qu'on admire. Mais en plus, quand ça se passe super bien, puis que les gens sont réceptifs, puis aiment ce que tu fais, ben à ce moment-là, c'est vraiment génial. Et t'as eu l'occasion de discuter et de bavarder avec lui après, non? Non, parce que lui est sorti de son tourbus, il est rentré, puis à ces moments-là, moi, j'étais en train de vendre des disques au merch après mon spectacle. Ouais. Donc, mais tu sais, un jour, ça va t'arriver. Toi, tu sortiras de ton tourbus et il y aura un autre jeune musicien qui vendra ses disques et qui dira « Mince, j'aurais voulu bavarder avec Rico ». Alors, pour témoigner, j'avoue que Rico vendait des dizaines et des dizaines de disques, ce qu'il ne dit pas parce que c'est pour un garçon modeste. Voilà, pour s'acheter le même tourbus que Jack White. Alors, pourquoi ce projet, Rico and the Escape? Est-ce que tu avais envie d'évoluer un petit peu? Est-ce que tu avais fait le tour de la formule One Man Band avec laquelle tu avais sorti tes précédents disques? Non, j'ai pas fait le tour parce que je continue à faire des spectacles en solo. C'était le cas avec Jack White d'ailleurs. Oui, mais j'avais envie en fait, c'est que les compositions qui se retrouvent sur cet album-ci, pour moi je les entendais en groupe. Puis quand je les composais, je faisais déjà sur mon ordinateur les parties de basse, un peu de batterie, un peu de programmation. Fait que ça a toujours été pour moi un album de groupe. Puis c'est venu comme ça en fait, j'ai pas réfléchi à ça. Mais c'est devenu, les chansons étaient peut-être un petit peu plus arrangées, un peu plus complexes. Fait que je me suis dit, si je les fais tout seul, ça va être bien, mais ça sera peut-être pas. Je pense qu'il fallait un groupe pour bien rendre cet album-là, en fait. Après, tu étais en formule One Man Band, on l'a dit. Tu avais souvent Charlie Glad qui t'accompagne aussi ce soir. Et tes disques n'étaient pas vraiment non plus en formule One Man Band, c'est-à-dire que tu avais un gros travail d'arrangement derrière. Oui, il y avait toujours des invités. Il y avait toujours des chansons solo et des chansons avec invités, en fait. Donc. Oui, c'est vrai que ça a toujours été un peu arrangé. Oui, tu explores quand même des sonorités plus rock, comme tu as pu le faire d'ailleurs avec ton ancien groupe. Hein. Il faut dire qu'avant, tu jouais avec le groupe Madcaps. Oui, exactement, Madcaps. Ouais. Et tu retrouves un peu cette structure. Oui, mais c'est différent, le style est différent, parce que là, il y a des chansons assez rock, comme les prochaines qui vont arriver. Sont un petit peu plus, on a commencé par le matériel plus calme, si on peut dire. Ben justement, en écoutant ton disque qui n'est pas encore sorti, mais nous on a toujours la chance de l'avoir un peu en avance, c'est vrai que le registre est beaucoup plus étendu. On y trouve même du folk, de la pop, du rock, moi je dirais presque de l'americana finalement. Oui. Il y a une notion de songwriter. Hein. Ben c'est beaucoup ça en fait. Moi c'est ça que j'avais dans l'idée quand je composais les chansons, je voyais les grands espaces. Je voyais l'autoroute américaine, je voyais l'Arizona, je voyais l'Utah. J'avais un peu ça. C'est vraiment un album américain, ça, c'est sûr que c'est un album tout à fait nord-américain. Ah, parce que dans l'autoroute la musique, A43 qui va vers Grenoble, ça ne fait pas la même impression. Non, non, c'est bien quand même, c'est super beau. L'album s'appelle Sweet Exile. Oui. Est-ce que c'est un petit clin d'œil à ton exil personnel? Oui. Oui. Ben, ça fait justement état de mon exil ici en France, qui est un exil. Oui, quand même. Ben, exil, dans le bon sens, pour moi, c'est positif. T'sais, sweet exile, justement, ça dit exil doux. Puis c'est autant, je dirais, ça parle de le fait d'habiter ici en France, puis que ça se passe bien, mais aussi de la musique, l'évasion, en fait. Puis la chanson, ça parle de l'évasion, ça parle qu'on recherche toujours quelque chose qu'on n'est pas capable d'atteindre. Après, c'est un peu, je pense, la condition de tout le monde, qu'on est toujours à la recherche de quelque chose de mieux, d'un idéal, quelque chose. Ça parle de beaucoup de ça aussi, la chanson. Il aurait pu y avoir aussi un petit clin d'œil à Exile on Main Street, l'album des Rolling Stones. Et quand j'ai entendu ce disque-là, justement, ce que disait Francis, ce côté un peu plus americana, folk, balade, j'ai presque entendu aussi un peu ces sonorités-là de Exile on Main Street. Oui, c'est vrai. Ben, c'est sûr, ça, c'est des grandes influences, les Rolling Stones, tout ça. Puis j'avais envie de faire des chansons plus calmes, comme tu disais. C'est qu'il y a des chansons rock qui envoient. J'en ai fait beaucoup sur les autres albums. Puis il y avait des gens qui me disaient aussi, ah, on aime ça quand tu fais des trucs plus... Puis ça m'est resté en tête, je ne l'ai pas fait pour ça, mais je me suis dit, ah, pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas, puis j'aime ça à chaque album, me renouveler, pas tout le temps faire le même truc. Donc ça reste un peu dans le même univers, c'est sûr, mais... Bon, oui, il y a aussi beaucoup de travail sur les arrangements. La structure est plus complexe, hein, quand même. C'est plus léché, comme on dit, lorsqu'on critique un disque. C'est moins brut. Et puis, je voulais te dire, on a lu que le magazine Guitar Extreme dit que c'est un mélange explosif qui aurait pu naître d'une rencontre entre Robert Johnson et Tom Waits. Ton sentiment sur ce carrefour un peu inattendu? Ben, c'est vrai, sur ce que je fais en one-man band, je trouve particulièrement, surtout live, quand je suis seul, il y a vraiment un côté brut, plus rock qui est là. Puis moi, c'est deux de mes plus grandes influences, fait que c'est un super beau compliment, en fait. Donc, je le prends. C'est bon. Alors, on va justement aller dans le Mississippi avec la petite pause musicale qui suit avec un tout nouvel album de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et ce n'est absolument pas parce que j'ai la chance de partager le même prénom que lui. C'est Cedric Burnside. Le titre s'appelle Get Your Groove On, le Mississippi. Tu y es allé, tu as fait un joli périple là-bas. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer, Cedric Burnside? Non, malheureusement, j'ai rencontré d'autres bluesmen. Puis on est allé sur des lieux magnifiques, des lieux mythiques du blues, en fait. Mais on n'a pas, non pas lui, mais j'adore la musique de son père. Son père, c'est Earl Burnside, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc moi, j'adore la musique de son père. Lui, je le connais, je connais pas malheureusement. Donc, Eh bien, tu vas le découvrir. Eh bien, on va écouter Get Your Groove On. Nous sommes ici en direct du Millennium, c'est à l'île d'Abo et on retrouve immédiatement sur scène et sous les applaudissements du public, Rico and the Escape. 1, 2, 3, on! You Rico and the Escape. Ils sont ce soir nos invités dans le Blues Café Live. On va demander à Rico et à Charlie Glad de venir nous rejoindre ici. Le temps pour nous de remercier toute l'équipe du Millennium. On le fait à chaque fois, mais c'est important. On remercie Ludo et Seb. On remercie également Amélie et Marie qui sont là pour assurer cette belle soirée. Vous êtes encore très, très, très nombreux à venir ce soir pour assister à ce grand moment, ce concert de They Call Me Rico and the Escape. Charlie, prends ton micro, Charlie. On est content de t'avoir parce que c'est ton nom, toi aussi. C'est pas la première fois que tu viens dans le Blues Café. Non, c'est la deuxième. Et je sais pas pourquoi, mais pour nous, t'es quand même indissociable de Rico. Et pourtant, tu n'apparais pas sur l'album. Alors, est-ce à dire qu'il te paie pas assez bien ? Non, c'est pas dire ça, non. C'est qu'on a eu une carrière qui était assez occupée l'année dernière. Et pendant que lui, il enregistrait l'album, moi, j'étais en tournée avec d'autres groupes. Et du coup, il est parti sur un univers et moi sur un autre. Et on s'est retrouvés finalement, il y a juste quelques mois, pour jouer ensemble. Bon, ça nous rassure, vous êtes toujours potes. On est toujours potes, ouais. Bon, c'est bien. Pourtant, il y a encore aussi une différence, c'est qu'on t'a déjà vu ici sur la scène du Blues Café avec un violon. Ouais. Là, tu joues du clavier. Alors, c'est vrai que tu fais les deux, mais absolument. Pas de violon. Pas de violon. Alors là aussi, t'as interdit de jouer du violon. C'est pas qu'il m'a interdit, mais en fait, la musique, les directions de la musique nous ont emmené vers un autre univers qui était plus western, plus americana, et où le violon avait moins sa place. Et comme il faut varier les plaisirs, eh ben on s'est dit pas de violon sur celui-là. Et même les multiplier. Et les multiplier souvent. Alors du coup, tu connais bien Rico, tu as beaucoup joué en duo avec lui. C'est différent de s'insérer comme ça dans un projet, dans un groupe. J'imagine qu'il y a moins d'espace aussi que tu pouvais avoir avec Rico quand vous jouiez en duo. Comment tu vois ce projet, Rico and the Escape ? Ben alors moi, je suis le petit nouveau de Rico and the Escape parce que j'ai fait juste un ou deux concerts avec eux. On a fait le Festival de Montréal en juillet. Donc, j'arrive un peu sur la formule. Mais est-ce à dire que tu as intégré la formule ? J'ai intégré la formule, oui. Voilà. Eux, ils avaient tourné depuis un an ensemble. Ça va faire moi, j'ai une des journaux demain, ça. Moi, j'ai intégré la formule juste pour le Festival de Montréal il y a deux mois. D'accord. Ouais, ça pourrait être pire. Hein. Ça pourrait être pire, oui. Ça fait une petite pression quand même pour les premiers concerts. Mais c'est pas si différent dans le sens où avec Fred, on s'est pratiqué déjà pas mal en tournée pendant quelques années. Et on avait joué beaucoup en groupe à Montréal, au Canada, pour ses albums, mais en live avec ses musiciens. Donc on avait déjà fait des concerts à 4 ou 5. Du coup, au final, ça s'est passé assez naturellement. Alors toi aussi, Charlie, tu as ton propre projet. C'est pour ça qu'on avait envie aussi d'en parler deux secondes. Ça s'appelle... Et d'ailleurs, Francis, on peut en passer quelques secondes. Non, si on peut. On peut, je crois. Allez, qu'on peut. On écoute. C'est parti. Voilà, ça s'appelle Combo Charlie. Charlie. C'est un petit disque de 6 titres nommé How Many Roads. Et je crois que c'était un extrait d'ailleurs du titre éponyme. Le style, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression que le style flirte outrageusement, même d'ailleurs, entre le folk, le rock, et même parfois un peu les intonations celtisantes, hein, ouais, pour pas dire celtiques, et puis de l'électro-rock. Raconte un peu ça. C'est ça. C'est le disque qui a été un peu la synthèse de mes voyages. Où à l'époque je revenais de la Nouvelle-Orléans, où je m'étais passé un mois en Louisiane et à New Orleans à jouer. Et quand je suis rentré, je me suis aperçu que j'avais envie de développer tous ces styles-là, le style blues, le style un petit peu comme ça, tout ce qu'on trouve à la Nouvelle-Orléans, et de le mettre dans un univers actuel où j'ai travaillé avec un DJ pour arriver à faire la synthèse de ces univers-là et d'en faire quelque chose de cohérent et d'accessible à tout le monde. Et pourtant, je trouve que ça ne fait pas si Nouvelle-Orléans que ça. Pas du tout, non. c'est le mélange des gens de la Nouvelle-Orléans qui m'a inspiré pour en faire quelque chose de différent, voilà. Ouais. Alors peut-être que le violon, c'est vrai, il me donne l'impression d'un côté celtique, oui, en même temps, celtique rock, hein, même, parce que c'est énergique, du, hein, pour celtique, l'avoir écouté. Il y a du celtique, il y a c'est du blues, du rock, il y a un peu de tout. Ouais. C'est un peu le même violon cricot, quoi. C'est le style que j'ai développé comme ça. Alors justement, à partir de ton projet, de ton expérience et de ton projet à toi, Rico aussi, du coup, sur scène, vous n'avez pas eu aussi envie d'innover, peut-être d'expérimenter un mélange des deux? Vous pourriez faire Combo Charlie and the Escape. Ouais. Rico Combo Charlie. Non, ben en fait, je pense qu'il y a une raison pourquoi on fait des trucs chacun de notre côté. Disons, pourquoi Charlie? Parce que c'est peut-être des trucs que, mettons, on n'avait peut-être pas envie de faire ensemble. Puis que Charlie a peut-être comme besoin de faire ses trucs de son côté, moi les trucs de mon côté. Moi, je trouve que Charlie, ce qu'il fait de son côté, c'est vraiment génial, en fait. Ben alors donc, on peut dire que votre collaboration s'arrête uniquement aux scènes en commun? Non, pas du tout. On compose, on joue ensemble, puis on a composé des chansons ensemble. Puis c'est juste que honnêtement, dans les derniers mois, on était super occupés chacun de notre côté. Puis c'est pas une question de qu'on n'a pas envie de se voir, c'est juste qu'on a moins le temps. Mais là, on recommence avec le projet avec The Escape, là, on recommence à se voir plus souvent. C'est vraiment une question que la vie nous a amené dans des projets séparés, mais là on revient ensemble. Rico, tu restes avec nous. On va faire une petite pause musicale. Merci Charlie. Bonne chance à Combo Charlie. Et je pense que vous êtes d'accord pour dire que Charlie is good tonight. Robert Conley Farr and the Rebelton Boys, c'est absolument imprononçable, mais je m'en suis pas trop mal tiré. Le titre s'appelle Dirty South Blues et ça fait partie de nos très très gros coups de cœur. On les écoute, ça dure deux petites minutes et après on retrouve Rico ici pour parler de ce nouvel album Sweet Exile. Home to the dirty side, Lord. Retour ici au Millennium de l'île d'Abo. Ce soir, notre invité, They Call Me Rico, qui joue avec cette formule Rico and the Escape ce soir. Rico qui vient de nous parler de ce tout nouvel album qui s'appelle Sweet Exile. Oui, et sur cet album, moi j'ai remarqué que la plupart des textes étaient signés de toi, mais aussi de Joshua Parlette. Alors qui est ce Joshua Parlette? C'est un de mes amis de longue date du Québec, en fait. Un de mes amis, lui est de culture anglophone. Puis on a toujours travaillé ensemble. En fait, même sur les autres albums, il est toujours apporté, disons, il fait... C'est un peu comme mon éditeur, je dirais. J'écris les textes, puis lui, à la fin, il va me dire « Ouais, cette phrase-là, ça peut être mieux, selon moi. » Puis on retravaille beaucoup la finalisation des textes ensemble. Puis il y a deux chansons de lui seulement aussi, oui, mais qu'il a écrit, disons, exprès pour le projet. Il est venu à Lyon, puis on a bossé sur l'album ensemble. On avait déjà travaillé chacun de notre côté, puis il a composé, il y a une chanson qu'il a composée à Lyon, comme une journée comme ça, il m'a dit « Ah, j'ai une idée de chanson pour toi. » Puis là, et ça, c'est vraiment génial. Et c'est laquelle, du coup, cette The chanson? « The Devil Made Me Do It ». D'accord. Alors, il y a aussi un tube. Il y a pas mal de tubes sur cet album. Il y a le titre « Sweet Exile ». Mon petit doigt me dit que ça pourrait peut-être un jour devenir un clip, hein, d'ailleurs. Tu nous en parlais tout à l'heure. Et il y a aussi ce « Needle Stack », qui est le premier titre que tu as sorti, d'ailleurs, pour parler de cet album. C'est un titre, effectivement, c'est un tube. Tu l'as pensé un peu comme ça? Oui, il est bien formaté. Hein. Oui, il est formaté. Mais moi, j'ai toujours aimé ça, en fait. Moi, il n'y a personne qui m'a dit... C'est moi qui produis moi-même mes albums, donc il y a personne qui m'a dit fais ça comme ça, mais moi j'ai toujours aimé cet aspect-là un peu des années 80, à l'époque où j'ai grandi, où ils savaient bien comment formater, faire des bons tubes. Puis moi c'est toujours un truc qui m'est resté, puis c'est un truc que j'aime faire en fait. T'sais. J'aime bien un côté blues dedans, mais il y a un côté un peu pop, un peu. Mais moi je m'amuse à faire ça beaucoup. Alors, aussi au niveau de la voix, moi j'ai remarqué, le chant est très différent de tes albums précédents, parfois un peu éthérée ou lointaine, et notamment par exemple dans le Love is a Vampire, la voix est vraiment lointaine, on rentre dans une sorte d'atmosphère évanescente. C'est voulu? Oui, j'avais envie de faire ça. Puis c'est avec Russell aussi que lui expérimentait avec les reverbs, avec les trucs. Puis c'est un album où on s'est beaucoup amusé en fait en studio. Donc ayant le studio, ça nous permet de passer un peu de temps. Parce qu'au niveau de l'enregistrement lui-même, on passe pas beaucoup de temps. C'est plus au niveau du mix, d'expérimentation avec les sons, avec les... C'est là qu'on s'est vraiment amusé puis qu'on a pris notre temps. C'est important la partie studio pour toi. Moi, c'est très important. Puis en fait, les autres albums avaient toujours été faits un peu plus rapidement, je dirais. Puis c'était ça l'essence de ces albums-là. Puis je pense que ça les rendait intéressants. Mais cet album-là, je l'ai toujours pensé comme ça. C'est un album que je voulais faire. Mais c'est pas pour moi. On n'est pas tombé dans la surenchère. C'est juste que je voulais vraiment prendre le temps de... On n'a pas pris, comme je disais, on n'a pas pris tant de temps à enregistrer, mais beaucoup de temps à écouter, à trouver les bons sons, les bons réverbes. On s'est amusé avec ça. Alors, il y a quelques titres autobiographiques. On a parlé de Sweet Exile tout à l'heure. Puis, il y a un autre titre qui est assez touchant également, Odd Man Out, une histoire d'enfant. C'est toi qui est héros de cette chanson? Ben oui, c'est l'idée de se sentir toujours un peu... comme le vilain petit canard à l'école, tout ça, ça a toujours été un peu mon... Puis c'est un peu les attentes que les gens ont envers toi, en fait, quand t'es jeune, ta mère ou tes parents, puis toi, tu te sens pas à l'aise dans ce monde-là, dans ce qu'ils veulent pour toi. Bon, c'est une histoire classique de bien des musiciens, de bien des gens aussi. Fait que ça parle un peu de cette expérience-là. Mais ça a beaucoup d'avantages d'être l'observateur, celui qui est un petit peu dans le coin de la cour de récré, qui regarde les autres, ben c'est un peu comme ça que je voyais ça, en fait. Parce qu'à quel moment, justement, de ta vie, tu t'es dit que tu allais devenir musicien? Tu t'es destiné à quoi? J'avais 12 ans, peut-être. Ouais. Ouais. 12 ans, ouais. C'est tôt, quand même. Autant d'hier. Hein. J'écoutais du Jesse Hunt, Kiss, puis Culture Club, et Boy George, dans ce temps-là, dans ce que j'aimais. Donc, c'était assez varié, mes goûts musicaux. Je ne sais pas si c'est ce style qui est, comme je le définissais, un peu plus americana tout au long de l'album, mais moi, j'ai senti qu'il y régnait quand même une certaine forme de nostalgie sur pas mal de titres. Je ne sais pas si tu l'as voulu ainsi. Par exemple, When the Summer Ends. Oui. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais réaliser, mais je ressens cette atmosphère un peu de nostalgie, voire de mélancolie. Oui, c'était ça, en fait, la chanson. Les paroles me sont venues très rapidement. Puis ça parle d'un couple qui se défait, donc à la fin de l'été, après après la lune de miel, ça parle d'un groupe qui se défait tout seul. Donc à la fin de l'été, tu veux dire à peu près en décembre, c'est ça maintenant, avec le réchauffement climatique, on n'est pas loin. L'été indien, vous êtes au Québec aussi. Ça parle un peu de comme ça, puis j'avais envie d'un album un petit peu plus, justement, un peu plus éthéré dans la production. Des artistes comme Cat Power, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est un peu le genre de production comme ça que j'ai voulu aller chercher, en fait. Alors, rappelons, cet album s'appelle Sweet Exile. Sweet Exile, en français dans le texte. D'ailleurs, tiens, petite question. Tu n'as pas beaucoup de chansons en français? J'en ai aucune. Oui, justement, pourquoi tu n'as pas eu peut-être, envie peut-être, non, mais je le ferai sous un autre nom, peut-être sous un autre... peut-être pour un autre projet, mais ça m'intéresse beaucoup, mais pas tout de suite. Mais je pense que je vais le faire un jour. Bon, en tout cas, ce soir, tu partages cette soirée au Millennium avec Jacques Bon, un grand musicien lyonnais. Toi, tu habites maintenant aussi Lyon. Je crois que tu as fait sa connaissance lors d'un enregistrement d'un groupe bien connu dans la région. Un groupe vraiment excellent, des sacrés chic types. N'en fais pas trop, c'est Francis, bien ça quand même. Oui, exactement. Je l'ai rencontré déjà avant, sur la Croix-Rousse, parce qu'il y a... Jack est déménagé il y a peut-être 3 ans, mais avant ça, je le croisais souvent. Donc, avec sa casquette, tout ça, qui est cet homme mystérieux. Puis là, quelqu'un qui me dit, c'est un musicien, je vois dans Ganafoul, tout ça. Mais moi, étant québécois, je ne connaissais pas ça. Donc, j'ai fait mes recherches. J'ai vu Jack dans sa jeunesse avec les cheveux longs, torse nu. Puis après ça, je suis allé lui parler, puis il y a de musique, tout ça. Puis c'est comme ça qu'on s'est. Ben, je crois que tu vas nous faire une surprise tout à l'heure, puisque tu as invité Jacques Bon pour un titre. Alors, oui, je ne sais pas s'il va venir torse nu. Mais avec les cheveux longs, peut-être. Peut-être avec les cheveux longs, à défaut de torse nu. Merci Rico. Merci. On va te laisser rejoindre la scène. L'album s'appelle Sweet Exile. Et on l'a dit, mais quand on est animateur radio, on a des petits privilèges comme ça. Et d'avoir écouté ton album en avant-première, ça en a été un. Et on vous conseille vraiment de vous ruer sur cet album, puisque c'est une petite merveille. Rico and the Escape sur la scène du Blues Café. Shorter and I beat you fast. blue skies won't turn to black. I found a needle in a haystack. Êtes-vous toujours là, toujours en forme? All right, nous aussi. La prochaine chanson, c'est une chanson un petit peu funky qui m'en veut d'être Monsieur Charlie Glave. Ça s'appelle Love is a Vampire. Stranger, like there's a battle going on inside. Sometimes I Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Voilà, un grand merci à l'équipe du Millennium, un grand merci également à Simon et Geoffrey qui étaient à la captation vidéo de cette soirée. Vous pouvez retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube et également sur notre site, le www.bluesactu.com, site également où vous pouvez avoir toutes les dates de ces enregistrements en public. Voilà, on laisse la scène à Rico and the Escape pour un dernier titre. Et vous n'avez pas l'image, mais je peux vous dire qu'il y a Monsieur Jack Bon sur la scène. All right. Alors, on est très content d'avoir avec nous une légende du blues et du rock lyonnais, Monsieur Jack Bon. Up. Oh, this time I won't push my luck. Oh, this time I won't go too far. Oh, this time I won't crash your car. Oh, this time it'll be for real. Oh, this time no more wheeling and dealing. Oh, this time I won't break the law. Oh, this time we'll have it all. Oh, this time. Spirit.